témoignage de Monsieur Albert Van Eugen de Huy, 64 ans, représentant, et de Monsieur Jean Burton, également de Huy, 58 ans, directeur d'imprimerie, recueilli par Monsieur Dechaine et Mikils. Parce que, comme on veut l'éveil qui met Elva à l'heure actuelle, on veut qui laissez qu'on fait à vous les boches, ils ont bien récompensé qui laissez qu'on saillit derrière. Là, c'est les Anglais qui ont gagné hier, et quand les Américains et les Américains qui ont gagné hier, et c'est elles qui sont baisées devant l'affaire qu'ont vécu les Allemands et les Japonais, qui mecs sont remontés. Voilà, les Japonais, vous savez bien qu'ils ont 82 ou 85% du marché mondial devant... On t'a dit ce qu'il est moto, tu sais. On t'a dit les motos, hein, tranquille les motos. Ben, comprends sous la tête. On faisait des motos vêches. T'as vu des motos, t'as vu Gilles, t'as vu Saroli, allez. Dans, il va jaser Testa. À Testa. Il y a eu trois fabriques de motos. On a vu Gilles, on a vu Saroli, on a vu FL. Voilà, Saroli a vu une 125 l'oiseau bleu. Gilles a vu une tour du monde. Et FN a vu... Cuisine des crosses à vous qui m'engueulent, c'est tout le bazar. On gagnait des crosses directement après le guerre. Et puis une affaire ainsi, à Resta, qui est tout à fait tombé. Dispoil Corombou, camarade, c'est la même affaire, dit Charles, à chose, à mon café d'Alcoin, là, qui m'a longtemps dans la. En nouvel quartier. Ce. Oh. Non, ce 5 ans, 7500 emplois en moins. C'est bien simple. Quand on arrivait à Coromouz, t'as vu FN, t'as vu Saroléa, les deux plus gros. Et devant toute la petite évole, comme vous direz, la petite évole comme la sociale, devant une place comme sociale, il n'a vu autour, il a vu 5-6 ouvriers qui ouvrent. T'as vu les céleries belges, on a vu les gens de Braza, et tout sur la tournée, c'est malheureux pour le Wallonie. Le Wallonie, elle tombe, pourquoi qu'elle tombe? Il me le dit bon. Et c'est Charles qui est dans le meilleur des mains d'où. Pour travailler, pour bien travailler, il faut qu'il travaille. Oh, allons, hein, quand il vous travaille comme il faut, bien entendu, qu'est-ce qu'il nomine pour le moment? Ça va coup de syndicats. Et des syndicalistes qui feraient une bonne commis de mourir tranquille. C'est vrai. Ça, il tapine. Bien entendu, elle n'a fallu, parce qu'on a estrogné l'ordre aussi. Hein? Mais quand tu font des problèmes, Gilles de Saroléa et l'FN, mais dis-tu, Jastou Marie à cette affaire, là, quand dis-tu, c'est un conseil économique, quoi, long. Ça me rotif, neuf, oui. Raïd le gueule, c'est tout. Et quand tu veux les syndicalistes, tu dis Joseph, même à vous les syndicalistes, tu allais vu les directions de Joseph à vous. J'étais, il faut qu'il ait fait un reprendage des choses. Ouais. Ça relie à Gilet. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, ben voilà. Il aurait fait une association entre eux. Comme Saroli a vu une bout de 125, et l'autre qui a vu une bout de Tour du Monde, et l'autre qui a vu une bout de 600. T'as envie de vous fusionner les affaires, hein? Mais voilà, il aurait de s'épouser s'éteindre. Parce que Gilles et Sarolia, c'est une des familles. Tandis que les FN, c'est une société. En famille, vous savez bien que Max Savard, non, qui est d'un côté, l'autre qui est de l'autre. Oui, non, c'est vous des margailles. C'est vous des margailles. Et puis on vous mène, c'est ce tour notaire, qu'est-ce que tu président des conseils d'administration. Et puis la FN, c'est ce que tu as de la même affaire. La FN, tu dis, il va vous les types de la FN, ça les intéresse. Ouais, les FN, des motos. Pour finir, la FN, les motos, ça les intéresse. Il faisait des réacteurs pour les Rolls-Royce, etc. Et tu dis, il faut syndicaliste, on a assez d'or et de vêcheur. Ils ont assez d'or et à vous les armes, à vous le moteur à réaction, à vous tout à fait. Alors quoi? Tu ne veux pas qu'il y ait des types de Rolls-Royce, ça, mon chose. Ben, arrête ça. C'est le berceau du cycle, hein? Tous les articles de vélo, ça se faisait par Resta. Alors quoi? Ben, tu n'en as un message, il n'en a que les motos, et quand tu vas devant les affaires, tu reprends les voitures. Ah. Nous avions Minerva, nous avions Imperia. Nous avions FN. FN, c'est fini. De Moulin Nagan. Toutes les voitures. Voilà, si longtemps, tu as vu mon spaghetti qu'elle n'a fait aussi, ça. Oui, mais vous avez des voitures du coup, ce spaghetti. Ben oui, ben c'est. Il aurait voulu monter à vous l'affaire assez aussi, hein? Alors, on va te dire, c'est trop petit pour faire les voitures, mais je veux bien, mais tu attends donc les choses. Les Hollandais t'ont fait des DAF, les Suédois te faisaient des Volvo, et te faisaient des SAP, ils vendaient des voitures. Alors, il y a ça que tu comprends un peu. Tu discutes avec vous les mecs, quand on arrive de l'affaire des voitures là. On est sur Staline, tu as vu des réunions à courir, il n'y a pas de voitures et pas de moto. Ils avaient eu tu as fait, Et c'est-tu la main dans la main, les syndicalistes et les patrons. Ouais. Ils se disent, ni le moins pour filer gros trucs. Alors, tu faisais des réacteurs. T'as vu du Sénat qui vend des millions d'euros pour filer les réacteurs des Rolls-Royce. T'as vu moi qui des généraux anglais qui se disent à l'FN, etc. C'est-tu assez porzel. Ah. Résultat des courses, qu'on s'en rote peu. Mais t'as trop attaquement que va se sponser. Hein. Voilà. Tu t'es diversifié tes trucs, tes chocolats bleus, pas. Mais j'ai l'impression, et 20 autres tes affaires, ça c'est tout le même affaire. Et puis, les Wallonies, elle l'a vécu, cette chose. C'est le houille, hein. Les houilles, c'est vrai. Mais le houille a tout ce sport. Le houille a tout ce sport. La sidérurgie, elle va se sponser. Ben oui, mais dans l'emprunt à la rue. Alors. Dans l'emprunt à la rue. Quand on se mettait à autres Saint-Germain de Volguer, tu veux y faire arriver du Sénac, ben billet de vélo qui venait travailler chez la rue, hein. Dans l'emprunt de l'autre côté des ponts. À l'autre côté des ponts, dans l'emprunt du Rouen 2, près. T'as vu, très grossi son alimentation. T'as vu mon Margot qu'on faisait les voitures des fonds. T'as vu mon Sécuritas qu'on faisait des vélos. Et t'as vu mon charbonnier qu'on faisait les selles des vélos. On faisait les selles des vélos, mon charbonnier. Donc passif, les roues Saint-Pierre, de mauvais modèle qui bombe. T'as vu mon Godin. T'as vu Nestor Martin. Nestor Martin. T'as vu les deux Colettes, les Colettes Franchin et les Colettes Mullen. Hein? Oui. T'as vu tout cela? Ah, mais ça a été le domaine de rien pour travailler. Hein? Alors, et puis t'as vu un populaire, t'as vu encore Fali. Mais ça compte, tu faisais du lacis. Bon, c'est fou, mais tu fais de lacis. T'es style gueule sur le tiers-bon, t'as vu le minerai à Lorraine. T'as vu les forts à coque, t'as vu tout à fait à côté, hein. Astur, tu vas te dire oui. À moi, les Américains qui costaient moins cher, et t'as des minerais qui ne me pas battre. Ou mettre le sidérurgie. T'es un tchouk, Péchalin, t'es un tchouk. T'es un tchouk devant les Flamands. Les Français, l'ont tchouk, il y a dans le Kerk et à France. Voilà. Alors, il commence à pisser des emmerdes de main vêche à l'osé. Voilà. Cela, ça, ce sont des lois économiques. Mais qui vous fait, vous, cela? Ouais. C'est ça que j'ai fait? Rien du tout. Rien du tout. Attendons. C'est malheureux, c'est pas les jours. Ben, il faut lui foutre, tu vois, enfin. Ouais. Quoi? Ah. Martin. S'il vous plaît? Martin. Peut-être qu'on dit des choses. Non, c'est rien. C'est rien. Qui? Les gros bousés, là? Mais c'est rien, mais... vous êtes wallon aussi, Charles Duhu? Quoi, Régine Ferrand, hein? Mais je vais vous dire ça, oui. Voilà, ne serait malheureux pour des jeunes comme vous, qui se la croient la bannière pour essayer de trouver une droite. Ah ouais, on en est. Qui m'a dit quelque chose, qui sortait de l'université, qui sortait. Voilà, mais j'ai fait mes pauvres primaires, j'ai fait un quartier de degré, puis je ne voulais pas à l'école. Pourquoi? Parce qu'il n'y a mes fenêtres dans l'école. J'attendais tout devant les vélos, tu vois. J'attendais tout devant les deux roues. J'ai commencé à ouvrir comme garçon de cour dans un soin de lire. Travailler comme garçon de cour, mais à mon papa, il devait faire l'école à l'autre. Alors, j'ai fait mon désilier, j'ai fait mon mestier. Voilà, j'avais laissé qu'arriver, et d'une relouquer le catalogue, qu'on me serait fait une peste le moins. T'as dit que, mais, t'as vu une peste le moins, j'ai fait une peste que tu. J'ai tapé plus en relouquer et en routant que le printemps au livre. Mais t'as jamais fait que les vélos et les motos, tu n'as jamais fait ça. N'as jamais fait ça, mais. Déjà au camarade, il n'a pas fait qu'il carle, il n'a fait qu'il s'y scolle primaire à vous, il a fait la même affaire qu'il est. Mais des architectes, dans des architectes, ils disent montrent qu'on conseille, qu'il met qui lui fait ça, c'est qui lui fait cela. Alors, il faut en avoir soin de. Parce qu'à cette heure, dans la vie, on sait qu'il fait des études, fait des études. Mais on, qui a fait toi-même, s'y scolle primaire, par un degré, ou cette rue de l'école moyenne, et qu'il en a soin de. Il se fait mort si c'est moins, comme on dit. Il arrive à ton dernier sac, oui. À ce tour, il faut bouger de 20 ans. Peut-être un petit investi, hein. C'est juste demain, ça, là. Allez, pour Paris, tu trouves peu de mecs pour Paris. Pour Carly, tu n'as qu'à peu de mecs pour Carly. Rien du tout. Devant les Pyrénées, tu n'as peu de mecs, hein. Si tu devais faire ce qu'on a fait. Ah. Voilà, papa, mais papa, à toi, l'orphelinat. À toi, l'orphelinat. Hein? À ce moment-là, dans un grand moment, qu'est-ce que tu veux? À 36 ans, à vos nouvelles fonds, pendant demander qui mec ça allait. Et là, c'est après le copine, papa. Mais c'est une copine, c'est une on safety. Vous savez bien ce que c'est qu'on safety. On safety, c'est celui qui répare seulement avec le soleil. Mais lui, vous arrivez à vous. Ah, il me faut une bonne paire de soleil pour aller à la chaise à ce moment-là. Il copie les peines, il copie tout, et peur des mesures de vos pieds, et vous avez un bon soleil. C'est tout vraiment. Un chausseur, comme on dit. Mais t'en as peur, sûr. T'en as peur, sûr. Mais t'as encore le papa d'Armand. Mais ça, il est trouvé, on t'a eu, Richard. T'as peur, hein? T'en as peur. Peur, hein? Tu trouves la confection. C'était mon costume. Quand elle fait, tu sais, tu fais fait à la rue, tu es dû à l'autre port. Et tu n'en es sûr qu'il est fait par un homme investi, hein. Il est codisco par la machine, hein. Voilà, les pigeons des frères d'un papa, casse-toi à l'orphelinat. Et ma grand-maman qui dit ainsi, ben, après, dit le quépi, hein, c'est pas un chose à vos frères. Et il y a après un quépi. Et à. En 34, 35, 36, on a fait. Oh, à ce moment-là, 35, 36. Mais mon oncle, ça tout les choses, les crêpes qui sont arrivées. Alors, toi, les copines, on a causé peu de l'oreille. Avant maintenant, mon oncle veut une place à l'école de cordonnerie à Ligue, pour monter auprès de l'académie, là. Et une place pour aller comme surveillant des élèves pour les récréations et les temps d'oeuvre quotidien. À un moment donné, voilà, qui ont chose, son professeur est malade, le directeur lui demande ainsi, est-ce qu'il va te sépénir à l'une de sa course de fond? Tout le temps, pendant les liards, hein. Et à un moment donné, il lui demande qu'il m'a qu'on travaille, qu'on fait ceci, qu'on fait ça, là. Et tous les élèves, ils sont tous le. Et le directeur passe à couvrir, il n'entend rien. Il trouve les poètes tout doucement, ben oui, tout ce qu'ils m'ont fait. Et vu que tous les élèves sont, leurs attentions est ce qu'ils aient. Il a fait prêt là, d'aller. Et des têtes d'oseurs, il a fait au kimono. Et il a commencé à l'engueuler en litrant. Dit tous les professeurs qui sont chers, n'a que vous qui se paye ouvrir, qui se paye travailler. Hein? Et alors, il a, comment on va dire, il a tout escolaire pour l'école pédagogie, c'est un secondé, hein? Oui. Et alors, il a tout professeur de l'école de cordonnerie. Et puis, il a tout professeur à la maroquinerie, à l'neuf. Et pour finir, on fait rookie à la Louvière. Il allait faire nommer directeur de l'école de cordonnerie à la Louvière. Et Irvin, qui tout met en montant les rues haute s'ennuyer. Alors, mais tu te sors de l'effet sur l'air. Parce qu'on en a fait bec aux escoles, c'est pour cela qu'il vous dit qu'il faut, bien entendu, comme voilà mes monocouverts, car tout chirurgien dentiste, c'est l'actuelle université à Saint-Sion. Et qu'est-ce que tu étais en 14-18? Il fait en ville. Mais c'est un sous-là, un mec. Tu dis, hop, t'es pour toutes les studies. C'est un sous-là, un mec. Si tu devais faire des solis, comme tu ne peux pas faire des solis, c'est ça que c'était du 30 000 francs pour une paire. Hein. Naturellement, David, c'est comme on le met de 25, des oignons, c'est comme une bouillotte là, à spi. Eh bien, on ne sait pas trouver des soliers de commerce. Eh bien, on a fait des soliers, alors il les faut soliers même en camion pipeau, une affaire ainsi. Ah ouais, les mêmes affaires poteau, hein, les costumes, c'est le même affaire, tu aurais 30 000 francs pour faire un costume. Ben, c'est sérieux, ça, c'est le même. Alors, tu prends des costumes qui sont faits à la mécanique, et puis hop, tu as des costumes pour 5-6 000 francs. Si tu dû les faire au moins, à vous ça que ça coste. Ah, ça. Parce qu'il coûte tellement de 5 francs, ça me coûte 200. Ah, ça c'est dur ça. Hein? Surtout maintenant, Arthur. Hein? Arthur. Allez, tiens, voilà, on va faire une moronne. Tu sais que tu peux faire une moronne qui m'a causé le monde, hein? Voilà, pourquoi? On s'attendait le plus vite possible. Tu veux arriver des choses, des murs comme ça, soit donc d'une pêche. Pour qu'on voulait les trouver des villes et des tolvadors, hein? Bah, c'est un terrain. Ah, ça. J'en pouvais mes morons qui disent quoi? C'est que j'ai contenté des murs de 40, mais. Hein? Mais ce qu'on a fait, on a flavé le bâtiment, ça se posait, Charles. Ah, on va Grégoire. Ah. C'est ta vie de refaire le bâtiment. La Grégoire? Qui n'a pas trouvé des ouvriers. De trouver peu. Pour les pires. Les colonnes. Les colonnes. Les pierres de taille. Ouais. Dans le Bataclan. Tu ne trouves peu, non, pour faire. Allez, nous allons aller à Rouvrioul. La Colchester inversée. Les tests inversés, hein, magnifique, pierre de taille. Bah, dans un contrat de millions. Mais à côté, on a fait deux buildings. Et c'est art esthétique. Mais il devenait ce qu'il a comme esthétique, mais à vous le prix qu'elle a à côté. C'est architecture esthétique. Architecture esthétique. Mais comme esthétique, qu'est-ce que je veux dire comme esthétique? C'est comme un architecte, il y a des fois qu'on a rien de fait d'estron. Ben oui, mais, qui en une moronne, et vous lui faites une transformation là, un rouriou. On va lui le carrier des charges, on va lui dire, faut mettre des pierres de taille comme ceci, des pierres de taille comme ça, et votre l'air quoi, vous. Mais elle, ils écoutent. C'était un seul problème. Hein. Ils faisaient un calcul, ils calculaient ainsi. Il faut, pour mettre des gens de vin, des une chompe et des deux chompes. Voilà. En deux chompes, si costé, plus, combien 5, 5, ou combien 6, 5, Chalahé, t'es cogné à gauche, t'es dans le 20. Voilà. Donc, on dû arriver à faire l'affaire, pour combien 6, 5, vous avez deux tions. On calcule ainsi, et pas de chouk de son. Ça va plus. T'es là que cela avait. Ouais, ouais. Sinon, tu vas arriver à 3 millions par appartement. Ah, ouais, 3 millions, mais que vous faites. Vous allez trouver 3 millions. Mais t'es là, t'es là, on trouve notre 3 millions pas de golpidon, il va, hein. Ben, prends les anciennes voitures. Ben, le code de vie, et France, t'as le code de vie et Citroën qui roulait. Ah, ouais. Elles sont au bout de pas 50 ans. Si t'as fait des, voitures qui duraient 50 ans. La chose, Noël, là, Noël, là, qui vend des pneus à Saint-Pierre, là. Oui. La cause de vie, Citroën, elle est contente de la chose à venir le boulet, c'est fait qu'il a. La voiture dit, je trouve 125. Elle l'a cotonné, elle roule cotonné. Elle a 50 ans, elle roule cotonné. Il faut pas des voitures qui vont rouler 50 ans, pas vu ce qui te va laisser de force. Si on fait des voitures qui vont durer 50 ans, à lieu la barquette, hein, on travaille peu. Hein. Ah. Voilà mon Honda. Oui. À l'heure actuelle, pour la fabrication des vélomoteurs, Chalet Belgique, qui est maintenant inventé pour monter un vélomoteur. Bien entendu, le moteur est bien monté de Japon. Charles, on soute, on émaille et on monte le vélomoteur. Et Québec Tank fait à Corondel Chain, on vélomoteur tourne. 10 minutes. Et bon. Les meilleurs. Hein? Ouais, ouais. Et travailler en ralenti, 2 minutes et demie pour le moment. Autrement, quand tu travailles en plein rendement, 1 minute et demie, il y a un vélomoteur qui tourne. 10 000 vélomoteurs par an. Par mieux, comptez. Ah, ouais, ça. C'est bien entendu, bien entendu, je ne vous venais travailler. Ce n'est plus des clés. C'est des revolvers. Et ça attend toute la journée. Alors, il y a une pression qui arrive, un revolver, hein, et le boulon est serré à telle pression, ce boulon-là. L'autre boulon, c'est quoi un autre revolver? Et comme serré à une telle pression. Et toute la journée, ici qu'il fait mettre les choses, les amortisseurs, mettre l'amortisseur, des boulons, c'est la même affaire que Charlot au temps moderne, là, qu'elle n'allait pas assez. Même pour les voitures, c'est la même affaire. Même pour les voitures, c'est la même affaire. Allez, telle voiture pour 150 000 francs, si on devait flipper comme Citroën, comme l'IFN, Citroën 9 ZF, il a 50 ans, elle costait 800 000 francs, la voiture. Mais non, mais là, c'est la grande série, hein, tu n'as plus que ça à faire, hein. Pourquoi? Parce que le main-d'œuvre est trop dur. Et c'est calculé pour que ça va chez ce pense après 5 ans. Ben voilà, parce que le main-d'œuvre est trop dur. Des machines à laver, j'ai une vieille machine à laver, mais elle roule quoi. La coinzon. Acté open machine à laver à ce tuer. Cinq ans après les suspens. Ah ben, il faut convaincre. Ah, naturellement, sinon t'en vas un peu. Ouais, un peu. Ben, t'en aurais plus déjà. Non. Allez, des ventes, t'as vu une chimie. Bah, on le ravaudé. À ce tuer, t'as tapé où t'es avec des nouvelles. Hein. Ouais. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est 25. On a vu des costires qui venaient devant les Mohones. Oui. Et on a raccommodé, on était fait une pèse en pantalon. Arthur. T'es ravaudé. Non, pas trop long, quand tu t'es pèse, qu'est-ce qu'on fait? On tapait mouillé. C'est vrai. Ah ouais, mais devant guerre. Ouais. T'es ravaudé. Mais Arthur, tu te souris peu, hein? Non. Ça t'a costé trop cher, hein? Si t'es du pays les gens, ça t'a costé trop cher. Ça fait que t'es prêt à tous ceux qui l'ont mort à mon les Amérlocs et tous ceux qui l'ont mort à mon les Russes, c'était le prince Charles. Et t'es fait ce pauvre. Et toi, t'es doué devant avoir l'air, et alors. Il vient dans l'Albanque de Bruxelles. Con, aïe, qui verront à Zé. Dis-vous une carte, je ne dis pas quoi faire une carte. Les nouvelles cartes, ils vont se taver. Ah, les crédits communaux là. Tu pourrais recueillir des brocs, tu ne pourrais mettre devant la machine, tu pourrais demander un carnet de chèque, un carnet de virement à la machine, tout serait fait par les machines. J'ai dit, t'as 24 trop à la Banque de Bruxelles, au système là, 20%. Ils ont dit, tu as louche, on ne nous dit ce qu'on va avoir dit. On se voit rendu jusqu'à ce qu'ils iront le penser à l'ouche. Voilà. Quand tu vas taper ici des pensionnés, ben, on chouquerait les pensionnés, fou, et on ne reprendrait jamais. On ne reprendrait jamais plus personne. C'est cela qui va s'arriver. J'ai une donnée que tu n'auras rien plus d'hygiène pour les machines, parce que tu n'as resté rien à le progrès. Hein. Mais devant, tu faisais faire une voiture, c'est une journée, à ce tu as fait une 5 minutes. Mais tu n'as vu des garagistes comme tu as, tu n'as vu toute une série de types qui travaillaient en sous-traitance pour les voitures, etc. Non. Mais donc, sous tes pieds de ton côté, tu le rigoles partiellement. Voilà, voilà, hein. J'étais représentant. Gesture représentant, c'est-à-dire. Mais voilà, ça fait c'est vraiment remplacé. Tu vas me dire pourquoi. Il y a la chose, la psychologie, aller trouver le client. Il faut, la psychologie, il faut savoir comment il faut prendre le client. Il faut apprendre. Donc, il faut dire ceci, l'autre, il faut dire cela. Quand tu allais voir à Mont-les-Flamins, qui t'a déjà des Flamins, tu là? Tout, parce que quand j'arrivais, est-ce la mort si religieuse dans l'unité? Pourquoi? Mais c'est allez, il y a des wallons. Ouais, il y a des wallons, mais c'est dans le même wallon que Coca Préchard, hein. Faut que dire tout ce qui m'a qui dit des copes. Il y a son poche, lui. Il y a son poche, lui. Non. Ah, le Grand-Duché. Oui. Mais le Luxembourg. Oh, mais le Luxembourg. Mais tu faisais plus Grand-Duché. Ah, je faisais plus Grand-Duché. Mais là, les grands ducaux, il y a des Français, il y a des. Français tous. Ouais, de tout français, là. J'ai des Français, pas tout. Alors, pas toi. Oui, non, je sais pas ce que c'est pour un truc. Ça ravisse à l'allemand, c'est juste. S'il vous plaît. Quoi? Un plat de deux. C'est pas un plat de deux, c'est... Il y a de l'allemand, il y a des Français, et puis dans le baragouin d'Andréla. Mais ce qu'il y a, devant l'école, il y a des Français et il y a des... Le plat de deux, là, hein. Tandis que Charles... Quand on va à l'école primaire, on doit apprendre des flamands. Mais il n'y a pas un mec qui dit aux Allemands, hein. Hein? Il n'y a pas un mec qui dit aux Allemands, qui dit aux Français, hein. Ouais, il dit aux les deux, là. Parce qu'il t'en a des scènes. Lycène qui vous fait des études au Grand-Duché. Ils n'ont pas l'université, hein. Ils viennent de Charlie. Ils viennent en Belgique, ou ils vont en France. Ouais, ou t'as vu les costiers de Coblenz, ou de Mayence, etc. Ils vont à Mont-les-Cheux, hein. Ça, tu n'as de problème avec eux. C'est pour ça qu'il dit aux Allemands, il dit aux Français. Tu vas faire un tour vers les Allemands et Français. Mais Charles, mais j'ai l'impression qu'on va s'emmerder à vous le temps qui passe. C'est parce qu'ils ne veulent apprendre l'anglais, ni l'allemand, etc. Ils pensent que le français vont tout à l'autre. Et pour prendre pour le moment les choses d'histoire, les dernières heures, les Volksgazette, qui se sponsor, enfin le standard, etc. Tu veux quand même une série d'annonces. En anglais et en allemand. Trilingue, et maintenant on doit... bilingue et de trilingue, hein? Ah, parler et écrire, hein? Et nous allons tester John Doe, hein, parce que les Flamands, c'est rare de trouver un Flamand qui me dit non pour français, qui me dit non pour allemand, qui me dit non pour anglais. Et déjà c'est l'anglais. Ah oui, ils se démerdaient, hein? Parce que nous autres, là, hein, là, il faut se peut dire l'anglais, hein, vous les gars. Les couilles de flamands, les autres, c'est emmerdé, là, les gars. À vous les. Cumain, qui avait anglais à vous hein? Ouais, mais à vous les notes du service en flamand parce qu'ils sont stars, là. Ils se foutaient de ça, ils ont anglais, là. Ah. On va s'emmerder parce qu'on dit fait tant en flamand, parce qu'ils sont stars, là. Ouais, mais ils sont obligés, ça, vous les anglais, ils font le rapport en anglais, hein? Ah, ouais, voilà.